Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule pour Play. Bah dis donc, avec... t'as l'air d'être... Non, c'est pas ça, mais je reprenais mon souffle, c'est tout. Ça m'arrive parfois. Avec Thomas, ça va, la pêche ? La bonjour. Forme. Je crois que c'est un des seuls podcasts qu'on enregistre l'après-midi pour l'instant. Ah oui, c'est pour ça, bonjour. Bonjour. Flavie est avec nous également. Bonsoir. Et avec nous, pourquoi bonsoir ? Ah non, bon, bref. Et avec nous, Jean-Michel, des jouets Jean-Michel. C'est sensationnel, j'ai envie de dire. Jean-Michel, ça va ? Salut à tous. Jean-Michel, donc, c'est notre spécialiste jeu de société, jeu de plateau, Ludodélire en particulier. Alors, c'est la marque de fabrique de Jean-Michel. Soit. Bon, tu es un collectionneur de Ludodélire, on peut le dire. Voilà, plutôt. Ouais. Et justement, aujourd'hui, on va parler de jeux de société. Thomas, t'es gros collectionneur de société aussi, toi, de jeux de société. Tout de suite, mais tu veux vraiment me faire passer pour un geek. Hein. Donc là, on a deux gros spécialistes. Et c'est parti, on y va tout de suite. Quels sont, selon vous, les grands ingrédients d'un bon jeu de société ? Qu'est-ce qui fait un bon jeu de société ? Les bons ingrédients du jeu de société ? Bah, un bon jeu de société, c'est un système fluide, un univers sympa. Un système fluide. Et des crasses que tu peux faire avec, avec les autres joueurs ? Des crasses que tu peux faire avec d'autres joueurs. Ah, d'abord, petite question pour commencer, c'est quoi un jeu de société ? Comment est-ce que tu définirais un jeu de société ? Bah, un jeu de société, c'est un jeu qui réunit plusieurs personnes pour jouer. D'accord. Donc, le rugby, c'est un jeu de société, quoi. Hein ? Le rugby, c'est un jeu de société. Bah, est-ce qu'on peut considérer vraiment le rugby comme un jeu de société ? On pourrait dire presque oui, mais bon, vu que dans l'idée, il y a, on va dire, c'est le physique qui est le principal atout du jeu. D'accord. On classe ça plus peut-être dans les sports. Dans les sports. D'accord. Donc c'est la différence entre le sport et le jeu de société. Le jeu de billes dans les sports. Le rugby. Ah, j'ai compris, le jeu de billes. Non, on parlera du jeu de boules. Le jeu de billes, c'est plus un jeu de précision. On parlera du jeu de boules plus tard, Jean-Michel. Ok, parlons de boules plus tard. Le jeu de boules, c'est aussi du physique. Un jeu de société ou il y a un truc physique dans le jeu de boules ? Il faut lancer les boules. Il faut lancer le cochonnet. De façon à ce qu'il puisse repartir et puis revenir, tu vois. C'est des boules, quoi. Ouais, donc il y a un côté physique, d'accord. Mais il faut bien viser le cochonnet. Le jungle speed. Alors, pour nos auditeurs qui connaissent peut-être ou pas, on peut expliquer ce que c'est rapidement. Il y a un bout de bois au milieu de la table et c'est le premier qui l'attrape. Voilà, il y a des cartes qu'on retourne avec des symboles dessus. Il y a un totem au milieu de la table et les différents joueurs retournent des cartes et en fonction des symboles, des couleurs des cartes, on se retrouve à avoir un côté... adresse et rapidité, réflexe pour attraper le totem et la table. Le premier qui l'attrape récupère les cartes ou les. Ouais. Il les donne aux autres. Et c'est celui qui n'en a plus. Culot de merde. Mais moi, à chaque fois que j'ai joué, ça finissait à moitié en baston. Moi, je vais te tenir avec toi, Thomas. Bon, c'est pas grave, je vais avoir très mal, mais je vais être la première à récupérer le totem, quoi. Tu fais des sacrifices. Ah, mais ce qu'il faut faire, c'est. Mais ça, c'est physique aussi comme jeu. Il y a une très bonne astuce. Un jour, vous devez faire du jungle speed et que vous ne gagnez pas trop souvent. Le jour où vous devez attraper le totem, vous ne cherchez pas à le récupérer. Vous y allez juste bien franco, le poing fermé, histoire de faire mal. Parce que après, quand ils vont voir qu'ils vont avoir le même symbole que vous, les gens ils vont avoir un petit temps de réflexion, dire attends, ça va faire mal, mais je vais y aller. Mais hop, t'as déjà pris le totem. Et ça marche tous les coups. On reconnaît le bourrin direct. Là. Je gagne. La subtilité qui parle. Oui, ça correspond bien aux marques que j'avais sur les mains après avoir joué avec toi. Pour en revenir à ta question initiale, mais ça faisait mal. Ouais, Jean-Michel. Ta question initiale, c'était la définition du jeu de société ? Ouais, une définition du jeu de société. Moi, j'étais plus sur le côté convivialité, se retrouver autour d'une table avec des amis, des gens qu'on ne connaît pas forcément. Peu importe. Mmh. Le côté convivial, le côté facile à appréhender, si jamais il n'y a pas des règles trop complexes, pour pouvoir directement commencer à jouer sans forcément trop se faire des nœuds dans la tête. Mmh, du coup, Dune, c'est hyper compliqué, quoi. Enfin. Ah bah il y a des exemples de jeux clairement. Tu peux pas directement prendre ton panard en faisant dès la première partie, quoi. Ça reste des jeux de société, clairement. Ouais. Il y a différents niveaux de jeux de société. La question, c'était, je pense que c'est à ça que répond Jean-Michel en ce moment, c'est quels sont les ingrédients d'un bon jeu de société ? Donc là, déjà, ce que tu voulais dire, Jean-Mi, c'est que déjà, on a ce côté, c'est facile à appréhender, les règles sont simples. Voilà, tu peux directement, dès la première partie, après avoir compris des règles assez simples, assez basiques, te marrer, sans forcément ne rien avoir compris et être parti sur une mauvaise décision. Je vois des jeux historiques, là, je sais plus comment ça s'appelle, le truc où on conquiert le trône de fer. Il y a aussi les colons de Qatar. Les colons de Catane. Catane. Si jamais, tu n'appréhendes pas bien toutes les règles et toutes les subtilités du jeu, tu te retrouves à faire une partie de merde trône et à rien comprendre. Trône de fer. Et donc, le côté règles faciles à appréhender, c'est plutôt ça. Quoi, d'accord. Si mais donc, du coup, il faut qu'en même temps, en une heure, si on a un animateur, les règles puissent être comprises. Quoi. Sans toi, c'est un des ingrédients fondamentaux. Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Une heure de regarde un petit loup-garou, tu joues tout de suite. Les règles, elles sont comprises en 5 minutes et tu t'éclates, quoi. Alors, au niveau de l'accessibilité des règles, est-ce que disons, le temps ou la durée de la partie, ça joue aussi dans ça dépend ce qu'on recherche, en fait. De toute façon. Parce qu'il y a des bons et des mauvais jeux de rôle. Jeux de société. Jeux de société. Non, mais le jeu de rôle est un jeu de société ou pas, d'ailleurs, oui. Au passage. Oui. Jeu coopératif. C'est un donc, jeu de société. Hein. D'accord, ok. On est plusieurs autour d'une table. Okay, c'est pas physique. Donc Flavie, tu disais il y a des bons et des mauvais jeux de société. C'était pour faire la blague. Oui. Mais ça dépend de ce qu'on recherche. Le jeu de société qu'on a devant soi sera un bon jeu de société s'il correspond aux attentes qu'on a, tu vois. D'accord. Bon, évidemment, il y a les jeux de société dont les systèmes sont mal faits, donc du coup, c'est pas jouable. Bon, tant pis. Mais si t'as certaines attentes, et que tu trouves le jeu qui correspond à ton attente, ce sera un bon jeu de société. Donc, du coup, si tu cherches un jeu qui va te tenir toute la nuit avec des règles complexes... Par extension, tu peux l'appliquer à tous les jeux, au final. Oui, exactement. Voilà, ça dépend de ce que tu recherches dans ton jeu. Et puis, tout le monde n'aura pas les mêmes attentes. Alors, justement, dès qu'on parle de jeu... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, c'est hyper dur, c'est hyper vaste, je trouve, la question du jeu de société. Qu'est-ce qu'on appelle un jeu de plateau dans le jeu de société, Thomas? Moi, je dirais qu'un jeu de plateau, c'est un jeu qui a un plateau. D'accord. L'expert définitions, Thomas. Attends, non. Maître Capello. Non, dis pas Maître Capello. Il est mort. Le jeu qu'on a testé l'autre jour avec Fabien, Zombie Cinéma. Les auditeurs de Play ont eu l'occasion de... Zombie Cinéma, non, je dirais alors, pas que pour c'est toi, un jeu de plateau. Pourtant, il y a un plateau au milieu. Pourtant, ça reste du jeu de rôle. Oui, non, parce que le plateau... En fait, pour moi, un jeu de plateau, c'est un jeu où tu as beaucoup d'interactions avec un plateau. D'accord. Tu vois, par exemple, tu prends un jeu comme Risk ou... Ricochet Robot. Non, mais je pensais plus à Diplomatie. C'est des jeux où, en fait, le plateau, c'est une carte. Rapidement, vous avez cité trois jeux. Tu as un pion à déplacer, tu as des interactions avec le plateau, tu as des castes, tu as des pays à conquérir. Juste, rapidement, vous avez cité quatre jeux, là, ça y est, quatre jeux. J'aimerais bien, pour nos auditeurs, que vous expliquiez un peu de quoi il s'agit. Alors Diplomatie, c'est quoi? Risque et Diplomatie, j'ai cité les deux là. D'accord. C'est parce que c'est des jeux similaires, en fait, c'est ce qu'on appelle un wargame. Voilà, c'est un jeu de conquête. Où, dans l'idée, c'est qu'on a le plateau, c'est une carte. D'accord. On va poser des jetons pour pouvoir prendre possession de territoire et faire des attaques. D'accord, ok. Voilà. C'est vraiment le typique stratégie wargame, c'est un jeu de position. D'accord. Les colons de Catane, c'est quoi? Ce que tu as cité, Flavie. C'est un peu sur le même principe. En fait, le plateau change à chaque partie parce que tu as des petits morceaux à placer au fur et à mesure. D'accord. Tu les places selon certaines règles, mais ça change à chaque fois. Et tu dois cultiver des ressources. Tu dois cultiver des ressources et tu vas devenir le plus puissant. Voilà. D'accord. Construire un empire. C'est un peu du Age of Empires en plateau. C'est un jeu de gestion. D'accord, C'est un jeu de gestion parce que le principe, c'est que tu dois essayer de récupérer des sources pour faire des constructions pour atteindre ton objectif. Donc, c'est bien gérer les ressources que tu as récupérées, faire les bons échanges au bon moment. Tu as une vraie interaction avec le plateau parce que du coup, sur chaque petit truc que tu as placé, chaque petite parcelle que tu as placée, tu as certaines richesses que tu peux mettre ou pas, etc. Donc, d'accord. Ça joue vraiment avec le plateau. D'accord. Donc ça, oui, c'est là, il y a une interaction. Présente-nous Monopoly. Monopoly. Ah, moi, j'avais parlé de Ricochet Robot, moi. Ricochet Robot. Ricochet Robot. Monopoly, je pense que je ne vais pas faire l'affront de présenter ça. Tout le monde sait ce que c'est, quand même. Alors, Jean-Michel. Ricochet Robot, alors on a un plateau effectivement qui représente une zone dans laquelle il y a quelques obstacles de mémoire avec des robots qu'on dispose. Et c'est un espèce de petit jeu de stratégie où on doit déterminer un nombre de coups pour déplacer les robots, aller chercher un objet, je ne sais plus c'est quoi d'ailleurs. Voilà, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a un parcours à faire. Alors, on doit déplacer un robot de certaines couleurs, sur certains objectifs. Ouais. Et le but, c'est qu'effectivement, le robot, en fait, il va tout droit. Et dès qu'il rencontre un mur, il peut aller soit à droite, soit à gauche. Ouais. Et donc, on doit atteindre. Ça, c'est un nombre de coups. Enfin, chaque fois qu'il change de direction, c'est un coup différent. C'est un coup supplémentaire et il faut arriver à l'objectif en le moins coup possible. Donc, l'idée du jeu, c'est que, une fois qu'on a retourné l'objectif, il y a 6 personnes qui disent rien. Puis à un moment, il y a un mec qui va dire 24. Alors là, on retourne un sablier et il y a tout le monde qui font 22. 18. Ouais, t'as comment t'as fait pour trouver le 18? Oh salaud, j'avais vu. Les enchères inversées pour aller chercher l'objectif. Voilà, c'est ça en fait. Une fois le sablier terminé, celui qui a fait la plus petite enchère montre. C'est le doit y aller. Voilà, montre le parcours et réussir. D'accord, ok. Et ça, c'est bon, ça. C'est quand t'as le gars qui annonce 7 coups et puis qui arrive à 8 coups. qui est tout con parce que les voilà. Autres avaient bien vu qu'il n'y avait pas moyen de choper en 7 coups. Lui, du coup, il s'est bien baisé. Quoi. Et voilà, t'as perdu. Et Ricochet Robot, c'est un jeu de Richard Garfield, celui qui a lancé Magic l'Assemblée. Ouais. Ah ouais. C'est pas vrai. Si, je te jure. Vérifier, parce que moi, je suis pas sûr. Hein. C'était sûr que c'est pas son premier jeu, justement? Il a fait un jeu avec des robots, ça s'appelle Robot Racer. C'est les courses de robots. Exact, je confonds. Excuse-moi. Alors justement, bah tiens, je voulais faire une transition, mais du coup, ça a foiré. Ah, merveilleux la transition, pour parler de Magic. Gathering, c'est un jeu de société. C'est un jeu de société. C'est un pur jeu de société. On est plusieurs. Ça reste un jeu de cartes. En fait, c'est une sous-catégorie jeu de cartes pour un jeu de société. Jeu de cartes à collectionner. Voilà. Ouais. On est plusieurs à faire une partie. En plus, il y a le côté collection. Ouais. On peut jouer à deux, comme on peut jouer à trois, comme on peut jouer à quatre. Il y a des variantes, des déclinaisons en fonction du type de jeu que tu fais. Il y a des tournois. Alors, ça, c'est pareil. Le jeu de plateau, jeu de société, il peut y avoir des tournois pareils que pour le sport. Ça existe, mais c'est pas physique. Pour les wargames. D'accord. Oui, non, mais toujours c'est pas physique, ça reste physique. Enfin, le mental est travaillé. Oui. On en parlera avec des joueurs d'échecs. Ouais, voilà. Je pense que tu peux jouer. Je sais bien, mais tu t'es pas obligé d'être. Enfin, moi, qui suis pas une énorme sportive, je peux jouer à Magic l'Assemblée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est sûr. Je peux faire des tournois et pourtant je soulève pas 80 kilos. Enfin, mais tu prends par exemple la majorité des joueurs d'échecs quand ils font des tournois sur un week-end, il y en a qui perdent des kilos et des kilos. Hein. C'est un truc de ma boule. Mais bon, honnêtement, tu vois, c'est pas physique dans le sens où il y a une activité physique. C'est juste, ça peut s'apparenter au physique uniquement. À cause de l'activité mentale cérébrale. Ouais. Quoi. Ah, voilà, ça. Ouais. Il bosse de la tête et du coup, voilà. Quoi. Je pense que pour moi, le sport, les jeux collectifs en sport, c'est les jeux de société, mais on les classe en tant que sport. De toute façon, vraiment faire une déclinaison entre les deux. Quoi. Mm. Parce que tu vois, par exemple, tu proposes d'aller faire un jeu de société, le gars, généralement, il pense tu vas être tranquille autour d'une table à faire ton truc. Quoi. Il pense pas à un match donc, de football. Techniquement, quoi. On devrait dire le ministre de la jeunesse, des sports et des jeux de société. Effectivement, très bien vu. Tout à l'heure, en préparation du podcast, tu disais que jeu de plateau, c'était quelque chose qu'utilisaient surtout les rôlistes pour parler. Sur Wikipédia, au niveau de jeu de société. D'accord. Où ils parlent, à un moment, ils expliquent que le jeu de plateau, c'est une francisation de l'anglais board game. Ouais. Et que c'était surtout utilisé autour des collectionneurs de cartes à jouer et échanger, enfin en gros les magoteurs quoi. Et les joueurs de jeux de rôle, c'est-à-dire en gros les rôlistes, pour faire une différence entre le jeu de rôle et le reste. Entre les différents types de jeux. Ou le Magic et le reste. D'accord. Il parle de jeu de plateau pour dire on précise qu'on va jouer un jeu qui va être un plateau qui va pas se jouer comme avec des cartes ou se lancer avec beaucoup d'imagination. Ça, si on fait la différence entre les deux. Et apparemment, ce seraient des termes qui seraient plus utilisés autour donc des joueurs de magos et. D'accord, ok. Et les rôlistes. D'accord, parce que tout à l'heure, quand on a commencé le podcast au départ, on voulait choisir comme thème le jeu de plateau. Finalement, on a élargi au jeu de société. Donc là, on voit qu'il y a différents types de jeux de société, le jeu de cartes à jouer à collectionner. Le jeu de plateau, donc où un plateau au milieu, le jeu de rôle. Des jeux de réflexion, des jeux de stratégie, des jeux d'adresse, coopération. J'en rajouterais même pour certains des jeux vidéo, je pense à You Don't Know Jack. D'accord. Qui était techniquement, ou même à risque, hein, qui a été adapté sur PC. Ou Cluedo. Ou Cluedo ou tout ça, qui, moi je pense plutôt à You Don't Know Jack. C'est une grosse ouverture là, parce que. Bah oui, mais. Il y a des jeux de lettres aussi, tiens, j'oubliais. Ouais. Mais par exemple, You Don't Know Jack, c'est vraiment un jeu de société, mais qui pouvait pas être fait sur un plateau, quelque chose comme ça, parce qu'on avait besoin d'avoir la voix de l'animateur. D'accord. Hein. Qui faisait des blagues tout le temps, et il y avait différents moments dans le jeu. Là, t'es en train de me. J'ai un flash d'un autre jeu qui vient. Ouais. C'est quoi? Atmosphère. Ah bah ouais, grave. J'ai pensé aussi à ça. Les jeux avec le zombie là dans la télé là. L'empereur de VHS. La moitié un empereur de Star Wars. Quand j'étais petite, ça me faisait peur. Hein. Quand j'étais toute petite et tout. Atmosphère, je libère de la pierre. Il y en a qui ont déjà joué à ça? Ouais, moi j'ai joué à ça. Ouais. Alors ça donnait quoi au final? Et j'y ai joué à la fac, donc je m'en souviens très très bien. Ça donnait quoi au final? Ça a toujours été un petit peu un fantasme, en fait, ce jeu. En fait, t'as une cassette qui tourne dans le vide, c'est nul. C'est nul à chier. T'as une cassette qui tourne dans le vide et t'as un jeu de plateau qui a lieu en fait en même temps que la cassette tourne. Et de temps en temps, il déclare en fait, le mec qui est dans la vidéo déclare des événements. Genre par exemple, tu vas avoir des gens qui vont être empêtrés. Voilà, c'est ça. Tu vas avoir des mecs qui vont être en prison. Et puis le mec qui est à la télé va dire à un moment donné, tous les gens qui étaient dans la prison sont libérés et vont à la case machin. Voilà. En gros, c'est ça. C'est tout. Ah, c'est nul. Et alors de temps en temps. Mais en fait, quand on avait 10 ans ou 12 ans, on voulait avoir ça en triple trop. Putain, un mec dans la téloche, en fait, bonhomme. Ce qu'on cherchait, c'était l'interactivité avec ce gars-là. Exactement. Alors qu'il n'y en a pas du tout. En fait, lui, c'est juste des événements qui se produisent comme un espèce. Oui, bien sûr. Tu peux rien faire de plus. Bien sûr, mais nous, ça nous faisait rêver, quoi. Ça nous faisait rêver. Mais tu vois, le truc, c'est. Il n'y a pas des trucs qui ont été améliorés, du coup, avec les DVD et tout. Je pense, j'ai pas d'exemple, mais à l'époque du CDI, le compact disque interactif chez Philips, à mon avis, il devait y avoir des choses là-dessus. J'ai pas d'exemple, c'est dommage. L'endroit où on glandait au lycée, tu veux dire, le CDI ? Comment ? CDI, l'endroit où on glandait au lycée ? Parce que t'as. Ouais, voilà, par exemple, ouais. Mais c'était pas Philips qui faisait ça. Mais t'as des. Parce que t'as des jeux de rôle interactifs. Était interactif, par exemple j'en ai vu un encore récemment, Harry Potter, plein de questions sur Harry Potter et tu joues avec le DVD quoi, mais en jeu société. Au final avec ça doit s'apparenter à tous les trucs en jeu vidéo quoi. Je me demande si t'as une alliance plateau CD en fait. Je me demande si Atmosphere ça a pas donné envie à certaines générations de jouer au jeu de rôle aussi, parce que avec cette espèce de zombie empereur en maître de jeu, ou je sais pas, je me pose la question. Ça n'a rien à voir, a priori. Hein, quand même. Non, mais pour moi, ça n'a rien à voir. Ce serait concevable. Ce serait concevable, hein, carrément. Alors, donc, j'avais une super question et je l'ai complètement oubliée. Super. Bravo, le présentateur. Alors, je me rappelle, oui, voilà, c'est ça. Je voulais vous rappeler quand même le thème qui est « Quels sont les ingrédients d'un bon jeu de société ?» Alors là, on a cité plein de jeux de société. On s'est bien fait plaisir en se rappelant d'Atmosphère et tout. Mais pour l'instant, on n'a absolument pas répondu à la question qu'on s'était posée à la base. Si, j'ai répondu clairement à la question. Il faut un système bien huilé et un univers sympa. S'il est bien huilé, ton système, tu sais où tu peux te le carrer. Dans ton cul, c'est ça ? Oh, c'était merveilleux. C'était merveilleux. C'est oh dans là Die Hard, c'est dans Die Hard. Transition, ouais, c'était une transition vers quoi, ça ? Un système bien huilé. Les jeux de boules ! Les jeux de boules ! Alors, qu'est-ce qu'un système ? Le jeu de billes et tout. Tu mets une bille dans un trou. Qu'est-ce qu'un système bien huilé ? Ah oui, bon, un système qui est capable de répondre à tous les demandes d'un joueur pour pouvoir interagir avec le jeu et qui n'est pas buggé. C'est un système pas buggé. Qu'est-ce que ça veut dire un système buggé dans les jeux de plateau ? Il y en a plein chez Ludodelire, ça, des systèmes buggés. Avec c'est des règles simplement, qui n'existent pas, des cas de figure qui ne sont pas traités par les règles. D'accord. C'est une des particularités de Ludodelire. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un cas de figure qui n'est pas traité par les règles ? On le détermine Tu galères quand tu t'en rends compte parce que tu es en pleine partie et tu es avec tes potes. Donc il y a celui qui pourrait être avantagé par une règle, qui est frustré si jamais on ne l'applique pas. Ouais. Et celui qui pourrait être défavorisé, qui n'est pas content si jamais on l'applique. Ouais. Ça peut foutre la merde. Quoi. Donc déjà, tu galères lors de la première partie et après, tu fais tes règles. C'est pas le cas que vous faites très souvent, Footmania. Vous avez finalement inventé plein de règles. On a inventé plein de règles pour le démonopoliser. Ouais, si on peut dire ça. Et pour le rendre plus rapide. Aussi, ouais. Ouais, parce que du coup, on n'est pas très fluide. Footmania, c'est un Monopoly en gros avec des joueurs de football. On achète dans l'univers du football avec des transferts, des matchs, un championnat à faire et puis avec pas mal de thunes. Donc au final, c'est pour ça que c'est assez monopolisé. Monopolisé. C'est un peu de mal, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Thomas, un système buggé alors ? T'en connais d'autres Parce que là, c'est un système plutôt arrêté au sens où on n'a pas de réponse. Des jeux avec des systèmes buggés, j'en ai fait. Trône de fer. Énormément. Mais Trône de fer, j'ai pas suffisamment joué. C'est parce qu'ils sont déséquilibrés, ça. Ouais. C'est buggé parce que déséquilibré en fonction de ta position sur la carte ou des trucs comme ça. Là. Ouais, alors attends, Thomas. Ouais, c'est Thomas. Désolé, je désolé. Non, y a pas de souci. Thomas, vas-y. Pas de souci, Jean-Philippe. Thomas. Jean-Bernard. Thomas. Ouais, je voulais juste te dire qu'en fait, un jeu avec des règles buggées, c'est. T'imagines, tu vas faire un mouvement. Ouais. Là, il y a un joueur qui pose la question, qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Tu ouvres les règles et tu vois qu'il n'y a aucun endroit où c'est stipulé qu'est-ce qui se passe. D'accord. Là, je vais bugger. D'accord, ok. Et ça, c'est chiant. Donc ça rentre encore dans le cas de figure de Footmania où à un moment donné... Je vais citer un autre système qui, à mon goût, est buggé. Maintenant, c'est à mon goût. Je cite Dominion. Pourquoi je trouve que le système est buggé ? Alors, sur le papier, c'est un système qui marche très bien. Alors, d'abord, il faut que tu expliques ce que c'est. Ouais. C'est quand tu as un petit livret de cartes en fait en face de toi, des sortes de petits livrets. Ouais. Et tu vas devoir acheter des richesses. D'accord. Ouais, tu as des tas de cartes, en fait. Ouais, avec, et au fur et à mesure, fait, tu dois choisir les richesses que tu vas acheter, qui vont t'apporter de plus en plus de pouvoir pour acheter de plus en plus de richesses. Ouais. Et à la fin, quand tu as réussi à retourner toutes les cartes... C'est un jeu un peu comme Magic, mais sauf que tu construis ton jeu en même temps que les tours de jeu se défilent. Ouais, c'est ça. Tu vas choisir, tu vas, si c'est à toi, Thomas, de jouer, tu vas piocher une carte, et puis ça va te faire ta première carte de ton jeu, puis ensuite, ça fait la vie, etc. Tu as des échanges événements que tu peux faire de richesses entre tous les joueurs. Je ne sais plus si tu peux échanger des cartes. Si, parce qu'on le faisait. Mais moi, ce qui m'embête dans le jeu, c'est qu'une fois que tu as la... En fait, il n'y a qu'une seule stratégie qui gagne. Ouais. Et une fois que tu la connais, bah, toutes les parties vont se ressembler, puisque voilà, la stratégie-là, c'est celle qui gagne. Mmh. Donc si en plus, autour de la table, tout le monde a la même stratégie, en fait, le jeu ne fonctionne pas. D'accord. Parce que tout le monde a les mêmes cartes. D'accord, ok. Ça, c'est le jeu pas huilé, du coup. D'accord. C'est le jeu que tu peux faire une fois, mais sauf que Dominion, ça coûte quand même 40 euros. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas assez joué pour pouvoir affirmer ça. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, en fait, ce que tu me rassures, quand t'as parlé d'un jeu Dominion, ça m'a fait penser à un animé que j'ai vu quand j'étais jeune, qui s'appelait Dominion Tank Police, où quand même les mines anti-char, c'est des hexagones que tu poses au sol et il y a une bite qui sort en érection qui fait tomber le char. Carrément une bite. Une bite, oui, c'est une bite. C'est toi qui dis ça. Avec des couilles, non, avec des couilles, il y a un phallus, une bite. Dominion. Donc là, j'ai eu peur. Je me suis dit, tiens, un jeu avec une bite. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est Dominion, là, le jeu. C'est un ambiance moyenâgeux, un peu obscurantisme. Il y avait des bites au Moyen-Âge. Mais moi, ce que je reproche vraiment à un jeu aussi cher, de ne plus être jouable au final une fois qu'on connaît la vraie bonne stratégie. D'accord. C'est le truc mal huilé, quoi. Enfin, bah, comme disait Thomas tout à l'heure. Pas forcément, en fait. C'est tout simplement dans le mécanisme, ça t'amène à faire d'avoir une construction. Donc tu vas essayer d'approcher les meilleures stratégies possibles, mais il y en a qu'une seule en fait qui est efficace. Et c'est pour ça que ça bloque. C'est un jeu qui est mal construit au final. C'est surtout que c'est un jeu qui, une fois qu'il y a beaucoup joué, ça pique plaisir. Voilà. Le truc en fait, c'est que donc là on revient à un type de bug bien connu, c'est le bug dont on parlait avec Dune. C'est non, on parlait de Dune pour la complexité de ses règles. Oui, ou Trône de Fer. Dans Dune, t'as une alliance qui gagne à tous les coups, et donc que les joueurs Comme dans le jeu vidéo. La difficulté du jeu vidéo, c'était liée par rapport à la race que tu prenais. Les Harkonnen, c'était facile parce que c'était les méchants. Dune 2, là, tu parles. Dune 2, le stratégie. Hein. Okay. Et les Atreides, c'était le niveau difficile, mais c'était les gentils. D'accord. Parce que là, il y avait les Ordos intermédiaires qui n'existent pas dans le film, mais qui existaient dans Dune 2, le jeu vidéo. C'était un peu un équivalent de Fremen, Poison. En fait, la sélection, on s'écarte du truc, mais la sélection de ta race définissait le mode de difficulté du jeu. D'accord, ok. Ouais, non, c'est ça. Mais là tu vois, c'était pas... Là, le problème dans Dune, le jeu de plateau, c'est que tu avais deux races qui, en s'alliance, qu'à un moment donné, en fait, tu pouvais faire des alliances dans le jeu. Donc, tu avais, en l'occurrence, les Bene Gesserit et les Atreides. Lorsqu'ils s'allient, leurs capacités en fait spéciales font qu'ils sont imbattables. Tu peux gérer tous les cas de figure. C'est normal, c'est gentil. Donc là, ouais. Non, mais peut-être que c'est voulu, c'est-à-dire que le jeu de société a été conçu pour que les gentils gagnent. Peut-être, si ça se trouve, le mec, il en a fait exprès. Enfin, on n'en sait rien. A une morale. Un jeu de société morale, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un bug. Et dans Trône de Fer, c'est différent. C'est qu'il y a une team qui perd à chaque fois. Ouais, Trône de Fer, en fait, tu choisis. Je crois qu'il y a 7 possibilités de territoire. Et en fait, tu as. En fonction d'où est-ce que tu atterris sur la carte. Ouais. Parce que je crois que c'est le hasard qui détermine ton peuple, possible. En fait. Et en fonction d'où tu atterris sur la carte, il y a des territoires qui sont indéfendables, des territoires où tu te fais chier parce que t'es complètement à l'opposé, t'es isolé. Mmh. Bon, voilà. Bon, après, il y a une extension qui est sortie pour corriger justement tous ces... À ce qui paraît, ouais. Ouais. J'espère que ça corrigeait ça, parce que sinon, ça perdait de son intérêt rapidement. Mmh. Moi, j'ai fait une partie, je trouvais ça pas terrible. Pareil. Trône de Fer. Ouais, ça m'a fait penser, en fait, l'avantage de Trône de Fer. Et nous, on avait joué... Par notre jeu, c'était par rapport à Diplo. En fait, le système, je le trouve très proche, simplement qu'il y a t'as les événements, puis t'as les parties sont beaucoup plus courtes. Parce que dans Diplomatie, vu que c'est un wargame... C'était long, hein, Diplomatie. Wargame, voilà, c'est très, très, très long. Très, le très jeu long, mais très, très, très bon, hein, Diplomatie. Ouais. Il est terrible, ce jeu-là. C'est un des deux jeux de stratégie les plus aboutis. Mmh. Avec, voilà, les règles sont simples, donc tu les assimiles très vite. Et, Full Metal Planet. Un vrai jeu de stratégie. Hein. Tu te faisais des nœuds au cerveau pour, à ton tour de jeu. C'est, franchement, Diplomatie, ouais. Très très très abouti, très très intéressant, vraiment, vraiment excellent. Pas accessible, du coup, je trouve. Full Metal Planet, c'est un ludodélire. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler. On m'a dit qu'il n'y avait pas de hasard ou pas d'aléatoire dans le jeu. Alors, comment exactement, ça marche? Comme Diplomatie, en fait. Je ne connais pas, moi, j'ai jamais joué. Tu n'as pas de dés, donc déjà la part de hasard est gommée. Tu as les cartes événements. T'as les cartes événements, ouais. En fait, t'as une marée. T'as une marée. Full Metal Planet, en gros. T'arrives sur une planète où il y a un minerai à extraire. T'arrives avec ton vaisseau. Et tu peux faire deux trips de jeu, soit faire la partie extraction de minerais, et au bout d'un nombre de tours déterminé, je m'envole et je ramène ça sur la planète, sur la Terre. Soit la partie où tu vires le minerai du plateau, et là tu fais du wargame à gogo. D'accord. Et donc, ouais, y a un côté aléatoire avec la partie marée, où t'as des marées qui font que la mer monte ou descend et qui peut embourber tes véhicules, qui peut libérer certains passages stratégiques pour aller envahir un ennemi. D'accord. Hormis ça, c'est que de la stratégie avec un nombre de points par tour. C'est un tour par tour. Ça me fait penser à Dune, là, pour l'instant, ce que tu en dis, un peu. Parce que dans Dune, c'est pareil, t'as pas de AD, c'est pareil, c'est que du positionnement de pièces. C'est que du positionnement, de la stratégie et de la gestion avec un nombre de points à jouer par tour. Donc les points, ça peut être déplacer ton véhicule, charger un minerai. Mmh. Tu peux les mettre de côté pour faire un plus gros tour le tour d'après. Ouais. Donc voilà, c'est pour moi, Diplomatie et Full Metal Planet, ça fait partie des gros jeux de stratégie les plus aboutis, les plus intéressants, parce qu'il n'y a pas de hasard justement. D'accord, ok. Flavie ? À l'extrême inverse, je voudrais parler de jeux qui fleurissent un petit peu en ce moment et qui amènent des gens qui ne jouent généralement pas aux jeux de société à jouer aux jeux de société, parfois même à des jeux de rôle. Ouais. C'est tous les jeux type qu'on trouve dans les magasins de jouets, dans des petites boîtes comme Loup-Garou, Elixir, Munchkin, tout ça, et qui sont des jeux au final assez faciles à jouer et qui amènent des gens qui d'habitude ne jouent jamais. Mmh. À jouer. Moi, c'est le cas par exemple pour Elixir où j'ai fait jouer pas mal d'amis parce que c'est un jeu au final rigolo où tu as des gages un peu stupides qui vont très bien dans des soirées un peu alcoolisées. voilà, qui ont fait jouer pas mal de mes amis. Ça fait des popettes. Voilà. Ouais. C'est trop chiant à chaque fin de phrase. Ou Loup-Garou qui est quand même un jeu qui a amené une de mes amies au jeu de rôle. Ouais. Parce qu'elle a joué au Loup-Garou et ça l'a fait triper de prendre la parole, dire non, il faut libérer les gens. Toutes les conventions de jeux de rôle, il y a des jeux de société comme ça pour attirer les gens. Ça, c'est le côté convivial dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est pas mal. C'est un jeu où en 10 minutes, t'expliques les règles, tout le monde peut jouer. C'est accessible à tout le monde, même les jeux. Même les enfants. Même les non-joueurs. En fait, ça, c'est intéressant aussi, c'est que ça réunit Loup-Garou, tu parles. Il n'y a pas que Loup-Garou, il y a aussi toutes les générations. Jeux... C'est ça qui est intéressant aussi. C'est vraiment. T'as les jeux d'histoire, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Paf, Paf. Tu sais où tu crées des histoires. Il était une fois. Et il était une fois, c'est un jeu qui est même. Pour ma part, je le fais jouer dans mes classes. Non, c'est une génération de jeux de plateau. Pour un non-release comme moi, c'est un jeu qui se rapproche assez d'un jeu de rôle, ça. Le fait de devoir jouer dans l'imaginaire. Non, parce que dans le jeu de rôle, en fait, la fiction, tu la crées toujours de manière collaborative, alors que dans Il était une fois, tu joues les uns contre les autres, puisque le but, c'est d'abattre un maximum de cartes. Donc c'est. Mais je suis d'accord quand même, ça peut amener à un type de jeu, on va dire, un peu plus narrativiste. C'est une porte d'entrée, mais c'est pas, y a pas de jeu narratif. Ces jeux de rôle-là sont des portes d'entrée vers autre chose. C'est une porte d'entrée vers autre chose, mais enfin vers le jeu de rôle en tout cas, mais voilà. Et c'est marrant parce que quand on entend parler des rôlistes, on a toujours la sensation que le jeu de plateau ou le jeu de société, c'est une porte d'entrée vers le jeu de rôle. Et puis, on a toujours un peu l'impression que le jeu de rôle serait une espèce de jeu supérieur, je sais pas quoi. J'ai jamais vu que le jeu de société... C'est pas supérieur, c'est plateau, juste différent. Il y a des liens. Alors, t'emmener vers le jeu de rôle. Hein. Thomas, non. Moi, j'ai jamais pensé que le jeu de plateau, ça emmenait vers le jeu de rôle. Non. C'est vraiment deux choses différentes. C'est cousin germain. Ouais. Moi, je sais que j'aime le jeu vidéo, j'aime les jeux de cartes, j'aime les jeux de plateau, j'aime jouer. Le jeu à boire. Donc, je ne bois pas, donc... À mon salaud. Mais je veux dire, voilà... Thomas ne boit pas, en plus. Voilà. Salopard. Le jeu, moi, je l'aime sur quasiment sur toutes ses formes. Donc, moi, je ne me suis jamais dit que le jeu de plateau pouvait emmener au jeu de rôle. Moi, j'ai commencé par faire des jeux de plateau avant de faire du jeu de rôle, et c'est pas ça qui m'a emmené au jeu de rôle. Moi, j'ai l'impression que le jeu de plateau a quand même. Pardon. Inversement, enfin, les jeux vidéo, jeux de plateau, enfin voilà, tu peux pas. La passerelle, tu l'as fait dans aucun sens au final. Ouais, tu peux la faire dans tous les sens. Ouais. Parce que le roman peut amener des gens à faire des livres dont vous êtes le héros, puis du jeu de rôle, puis le jeu de rôle peut amener des gens à faire des jeux de plateau. Enfin, on peut voir ça dans tous les sens du terme, ça c'est clair et net. Moi je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie à donner, surtout pas entre le jeu de plateau, le jeu de rôle, genre le jeu de rôle ce serait un jeu supérieur. Non, surtout pas, c'est juste des choses très différentes. Mais je voulais en parler quand même parce que parfois je trouve que dans les discours de rôlistes, cette espèce de hiérarchisation ressort. Et je la trouve néfaste. Parce qu'au final... Et c'est l'élite, le jeu de rôle ? Non, bah justement, parfois, on a de ces discours-là. Mais non, ça, c'est de moins en moins le cas. Hein. Entendons-nous bien. Mais ouais, effectivement, je craignais ce discours-là, parfois. Quand on entend parler des rôlistes, jeu de plateau, c'est limité. Le jeu de rôle, on a plus de liberté, etc. etc. Tu vois, des genres de trucs. Bon, c'est parce qu'en fait, ils ne recherchent pas la même chose. Exactement. Et puis moi, je trouve... Les attentes, on en parlait au début. Voilà, on en parlait au début, c'est pas les mêmes. Et moi, je trouve un truc aussi qui est quelque chose de sain en fait dans le jeu de plateau, c'est qu'on a des règles qui sont fixes, délimitées, et personne ne peut dire je vais les changer ou je vais etc. Alors que dans le jeu de rôle, on a encore cette vilaine attitude de se dire ouais, il y a des règles, mais on s'en fout, on peut les changer. Alors qu'au moins dans le jeu de plateau, c'est déterminé. Je veux dire, si tu respectes pas au moins 95% des règles, on a quand même précisé au tout début du jeu qu'on changeait le délire. Oui, c'est vrai. Mais si tu respectes 95%, imagine, tu enlèves 95% des règles de Footmania, on peut plus dire qu'on joue à Footmania. En fait, le truc, c'est le cas particulier de Ludodélire, c'est que les règles sont mal construites, sont pas abouties, ce qui fait que par extension, tu es obligé de les modifier ou de les adapter comme tu veux. Et donc, c'est là que je te rejoins pas sur le fait que dans un jeu de plateau, un jeu de société, les règles sont déterminées. Alors, c'est juste un cas particulier. Alors, dans le jeu de rôle, ce qui se fait massivement, c'est qu'on a un système qui est proposé par la base, et puis parfois, les joueurs vont arriver, ou les maîtres de jeu vont arriver avec leur propre système, et puis ils vont carrément garder l'univers, mais ils vont changer tout le système. Jean-Michel, on est d'accord, c'est pas possible de le faire avec un jeu de plateau. Parce que tu vas te retrouver avec un jeu qui ressemble plus du tout au jeu que tu as acheté. Thomas, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, ce que je voulais surtout dire, c'est que... Quand tu secoues ton micro comme ça, Thomas, ça veut dire que tu veux me parler, c'est ça ? Non, ça, je fais plein de choses. Ça veut dire que tu l'excites. Tout à l'heure, il regardait son micro comme une espèce de statuette. T'as vu ça, Jean-Michel ? Il était là, son micro... Je fais plein de choses avec mon micro. Donc, ce que je voulais surtout dire, c'est que... On en revient au jeu de boules. Eh oui, c'est le fil rouge. J'aimerais bien qu'on en parle, d'ailleurs. Désolé Thomas, on est infect. Tom. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans un jeu de rôle, tu parles d'un jeu de rôle du système avec un rôliste. Ouais. Il va dire, bah, naturellement, les règles, bah, si ça te plaît pas, tu changes. Il va dire, naturellement, chez eux, ça te paraît logique. Alors que tu leur dis, sur un jeu de plateau, on change les règles. Il fait, bah non, pourquoi on changerait les règles ? Ça bug à tel endroit. Oh, ok, d'accord. Ouais, voilà. Si tu peux le faire, bug, mais c'est moins faire. Naturel. C'est une culture, quoi. Enfin, c'est dans la culture du bonhomme, quoi. Enfin, du type de jeu, quoi. Mais je trouve que c'est plus évident, en fait, avec le jeu de plateau, que si tu changes les règles, tu cesses de jouer au jeu que tu as acheté. Alors que dans le jeu de rôle, les gens pensent qu'ils changent les règles, mais qu'ils jouent toujours à machin. Genre, ils vont te dire « Oh, j'ai fait une partie de Vampire hier, c'était super !» Et puis ils vont te dire 30 secondes après « Oh, j'ai utilisé le système de AD&D. » La faute à donner aux éditeurs, dans la boîte de jeux de société, il n'y a pas marqué qu'on est libre de changer les règles. Dans les jeux de plateau ? Dans les jeux de plateau. Non, par contre, tu as des règles optionnelles. Voilà, mais c'est optionnel. Tandis que dans les jeux de rôle, il y a toujours le moment... qui est marqué « Oui, on vous donne les règles, mais vous pouvez les changer parce qu'au final, voilà, on s'en fout », alors que non. Jean-Michel, tu voulais dire ? Ouais, je voulais juste revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que le joueur de Vampire qui change les règles et qui dit « j'ai joué à Vampire », c'est peut-être tout simplement un joueur dont les attentes, c'est juste d'aller chercher un univers, quoi, et pas forcément... Voilà. Dans ce cas-là, pourquoi il achète pas des romans des s'il veut adapter des règles pour rester dans un univers, pourquoi pas, s'il tripe cet univers-là. Thomas ? Ouais, y a aussi le fait que si on fait la différence entre un jeu de plateau ou jeu de société et un jeu de rôle, c'est que les règles sont plus accessibles à tout le monde sur un jeu de plateau ou un jeu de société que pour un jeu de rôle. Le jeu de rôle, t'as quand même une grosse base et c'est à peu près un accord tacite où on dit bah voilà, toi t'es maître de jeu. Tu connais l'univers, c'est toi qui lis la base, après tu décris ce qu'on a besoin. Alors que dans un jeu de plateau, généralement, on va demander à une seule personne de lire les règles, et sur un doute, vu que c'est quelques pages, il y a quelqu'un qui va le prendre pour le lire. Moi, le jeu de plateau fait ressortir ce défaut du jeu de rôle, que on a la sensation que celui qui maîtrise les règles, c'est le maître de jeu. Et que donc, du coup, le joueur n'est que passif, ne subit les règles. Alors que dans un jeu de plateau, tout le monde a le droit de s'emparer de la base et de dire « non ! Attends, là, t'as triché. C'est écrit dans la règle. Et c'est ça le problème. J'aimerais bien faire un petit... On parle bien des jeux de rôle classiques. Hein, parce que dans les jeux de rôle sans MJ, vas-y, changez une règle. Enfin... Oui, voilà. Bah, par exemple, un jeu de rôle sans, sans maître de jeu, c'est clair que là, tu peux tu pas... Tu changes une règle à Dirty Secret, tu joues pas à Dirty Secret. De toute façon, le jeu est bien dysfonctionnel. Oui, non, c'est clair, c'est mort. C'est mort. Mais ça, c'est... Justement, c'est d'ailleurs pour ça que des gens comme le Grog, par exemple, continuent à dire que les jeux de rôle sans maître de jeu ne sont pas vraiment des jeux de rôle et sont plutôt affiliés à des jeux de plateau ou des jeux... Pourtant, ce sont des jeux de rôle. On a même créé une nouvelle catégorie maintenant dans le jeu de rôle, on appelle des jeux narratifs, où on les classe justement avec « Il était une fois ». Et là, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord non plus parce qu'il était une fois, il y a des moments narrativistes, mais il y a des moments simulationnistes aussi dans ces jeux-là et plein d'autres choses. Non, là, c'est clair. Alors, quels sont les ingrédients pour... Parce que je vous rappelle quand même que c'est le thème de ce podcast. Quels sont les ingrédients d'un bon jeu de société? Je te dis pour la troisième fois encore. Non, ça va aller. Mais est-ce que... Flavie n'a pas répondu à cette question-là. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, je dirais qu'il faut un système bien huilé. D'accord. Super. Bah, tu peux ne pas répondre, alors. Non, je dirais qu'il y a l'avantage d'un bon jeu de société... Ouais. C'est qu'ils correspondent aux attentes des gens qui vont y jouer autour de la table. D'accord. Donc déjà, il faut se renseigner, parce qu'il y a différentes sortes de jeux de société. Mm-hmm. Donc j'enfonce une porte ouverte, mais voilà. On a parlé des différentes sortes de jeux de société. La philosophie, là. On peut y passer longtemps. Et je dirais qu'il faut un univers joli. Et qu'il faut qu'il soit joli, le jeu de plateau. D'accord. Donc parce que vas-y jouer à un truc méga moche. Oh, est-ce mignon. Que t'auras vraiment envie de jouer à un truc méga moche parce que jeu de société ou pas, t'auras envie de rêver un petit peu. Monsieur, c'était moche, je voulais jouer moi. Oui, mais justement, il faisait peur, le monsieur. Tu vois, il faut qu'il y ait un petit côté esthétique quand même qui soit justement, là. Justement, l'esthétisme. Bien, il peut être moche. C'est pas grave. L'esthétisme. Chanson de Molzenkoch. Je suis assez d'accord. L'esthétisme d'atmosphère, c'était ça justement, c'était d'être moche. Exactement. C'était ça qui le rendait joli. De foutre les jetons et tout ça. Ouais. Quand t'es gamin, tu te dis, ah putain, on va jouer à un jeu qui fait peur, on va se mettre dans puis une ambiance. Puis je vois bien ça parce que je fais jouer pas mal de jeux dans ma classe. Et des fois, des jeux que j'aurais créés avec une règle, voilà, leur plaira moins qu'un jeu moins bien, mais qui sera très très joli. D'accord, ok. Ah oui. Oui, on en revient aux attentes des différentes attentes des joueurs. Ah ouais. Alors bah, ça pourrait être un autre podcast justement sur les différents types d'attentes, mais on a malheureusement plus le temps. Jean-Michel, de ton côté, toi, quand tu fabriques tes jouets, Jean-Michel, justement, comment est-ce que tu te dis, tiens, ça c'est une règle que je vais mettre, ou ça c'est un ingrédient que je vais mettre dans mon jeu? Bon, vous savez, moi c'est surtout des jouets pour le bas âge, pour tout ce qui concerne le 220 ou 380 volts. Donc voilà, je mets le schéma. Avec des bordereaux précoces. Vous l'aurez compris, notre ami Jean-Michel est un fan des messages à caractère informatif. Alors donc, Jean-Michel Ranu, on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. À part ça, monsieur Ranu, quels sont les bons ingrédients pour toi d'un jeu de société? Mais moi, j'ai déjà aussi en partie répondu, comme Thomas tout à l'heure. Qu'est-ce que tu trouves? J'ai déjà répondu à tout ça. Désolé. Qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce qui te plaît justement dans les jeux ludodélire? Pourquoi cette collection? Originalité, humour. Et je pense qu'avec déjà ces deux mots-là, j'ai pas mal résumé ce qui m'a plu dans cet éditeur-là. Ouais. Il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour, même au niveau des règles. Jeux originaux, déjà, ça c'est la plus grosse partie. Quand tu prends un super gang ou quand même tu es amené à faire de la gestion de ton gang avec ta vamp, ton tueur et ton dealer. Ouais. Voilà, c'est politiquement pas très correct. Énorme. Et voilà, c'est super original. Tu prends ton gun en cours de partie pour faire des duels au pistolet à fléchette. Mm. Bon voilà, si ça c'est pas original. Ouais, c'est donc clair. Ça c'est principalement le gros truc qui m'a plu dans cet éditeur-là, plus la partie humour qui est prépondérante sur tous les jeux, ne serait-ce que quand tu lis toutes les règles de jeu et quand tu vois les illustrations. Sur certains jeux, non, voilà. C'est, en deux mots, c'est ça, originalité et humour. D'accord, ok, ça résume bien. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans le jeu de plateau, ce que j'attends d'un jeu de plateau, d'un jeu de société, c'est qu'il soit transgénérationnel, en fait. Ça me plaît beaucoup. L'idée que, autour de la table, on peut avoir des gens qui viennent de milieux très, très différents. Syndrome de la Wii en jeu vidéo. Ils vont se retourner. Ouais, c'est ça. Hein. C'est un peu le syndrome de la Wii, quoi. Le fromage à raclette. L'appareil à raclette. Le fromage à raclette aussi est transgénérationnel. L'appareil à raclette. On va définir parce que. Alors pourquoi l'appareil à raclette? Parce que la Wii, on la sort que quand il y a ses copains. Une fois. On la sort du placard. Quand les amis sont là. Quand les amis sont là. Et sinon. Le syndrome de l'appareil à raclette. On la range. Mais bon, moi, alors bon, je plaisante avec ça, mais en fait, moi, je suis parmi ceux qui podcastent ici, probablement un des plus gros joueurs de Wii. Donc, moi, j'adore cette console. Et justement, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit transgénérationnelle et qu'elle permette à des gens. Imagine, on veut jouer ensemble. Toi, t'es professeur de fac et moi, je suis étudiant de philosophie. On peut jouer ensemble. Puis toi, c'est t'es ma grand-mère. Bête, hein, et on toi, a joué t'es... avec ton grand-père à la Wii. Hein. Voilà, c'est clair. On moi, a j'ai joué, vu mon neveu de 5 ans jouer avec mon père de 60 ans et c'était, ouais, c'était grandiose. C'était énorme. C'est un match de boxe sur Wii Sport. C'était assez grandiose. Ouais. Donc, je suis assez d'accord. D'autant avec plus toi. Que, comme chacun sait, ton père est le Père Noël. Donc, mon père est le Père Noël, voilà, effectivement. Ça... Donc, si vous êtes pas sage, il ne vous amènera pas de cadeau. Mais en même temps, c'est assez normal que ce soit le Père Noël si toi tu gères les jouets Jean-Michel. Bah oui, en plus, les tout à fait. Il y a une certaine logique. Hein, il y a une certaine logique. Mais non, mais quoi qu'il en soit, moi, c'est ça qui me plaît dans le jeu de plateau, c'est que ce soit, ça réunisse plein de gens, que ça puisse permettre aussi à des gens, effectivement, de découvrir le jeu de rôle qui encore est méconnu. Et comme c'est mon activité, ça me fait plaisir de me dire qu'il existe des jeux qui permettent d'arriver à. Voilà, que les drogues douces mènent encore dans si, je sais ce que je peux te dire, ce que je n'attends pas d'un jeu de société, en revanche. Ouais. On a joué il n'y a pas longtemps, je ne me rappelle pas du nom de cette bouse, un jeu de société où, qui posait des questions hyper personnelles, ah où oui. Tu répondais ah en disant jeu. Oui, ah non. Oui. Ah, les jeux-là, et en fait, j'attends d'un jeu de société de m'amuser et de réfléchir, mais certainement pas de faire une partie de fille ou une soirée pyjama. C'est clair. D'accord. Comment ça s'appelait ? Oh, on s'en fout. Aucune tant idée. Mieux. C'était l'urne le avec les votes. Pas. C'était l'urne avec les votes. Ouais. On ne le citera pas. On citera plutôt l'amitié du Snake et Kraft Mac que vous retrouvez dans quelques minutes après une courte pause musicale. On vous laisse cette semaine avec notre commandant de bord Jean-Michel, Flavie et Thomas. Vous souhaite bon jeu. À bientôt tout le monde. À bientôt. Salut. Pour un prochain salut. Podcast. Au revoir. C'était vraiment très intéressant. Jouer Jean-Michel.